أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كل هذا يعني في ثواب عظيم بنية مخلصة لله تعالى، لأن النية لابد منها حتى ينال الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. هذا دليل واضح أنه لا ثواب على الأعمال إن كانت هذه ورد في الهجرة، كانت فرض. والقاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. عموم اللفظ، لأنه عدد آيات وحديث نزلت في وردت في حادثات معينة، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فكل عمل صالح، صلاة، صيام، حضور مجلس العلم، ما فيش ثواب إلا بنية. Donc on a rappelé le hadith qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et aussi que pour avoir les récompenses, il faut avoir la bonne intention, comme il a été mentionné dans le hadith: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. C'est-à-dire les actes valent selon leurs intentions. Les actes valent selon leurs intentions. Et donc, le hadith, il parlait de l'émigration, en fait, on a dit, qui était obligatoire à l'époque du prophète, et que le prophète, il dit dans ce hadith-là ce qui signifie: celui qui émigre par recherche de l'agrément de Allah et en obéissant à son messager, alors il aura la récompense. Et celui qui émigre pour vouloir se marier avec une femme ou avoir quelque chose du bas monde, il n'aura pas donc de récompense. Donc on a dit la règle chez les savants, c'est on prend en compte la généralité du terme, même si ce hadith a été cité et mentionné dans un contexte précis, mais le terme est général. Donc tout acte de bien, prière, jeûne, nécessite une bonne intention à prendre la religion pour avoir les récompenses. Voilà, écoute, bni hasana. إذن فهنا إذا كان الأعمال العظيمة كالهجرة التي كانت فرض والصلاة والصيام والزكاة ما فيهاش أجر إلا بنية، ما فيهاش أجر إلا بنية حسنة ابتغاء الثواب من الله. فما بالك الأمر الدنيوي، عمل دنيوي، وهذا يبين يعني فساد، يعني بعض الناس يقولوا على العموم هكذا يقولوا العمل عبادة. إذا كان الصلاة والهجرة كذا، الرسول بين أنه ما فيهاش ثواب إلا بنية لله، فما بالك يعني هو الصلاة إذا ما عملش نية لله ما عندوش أجر، هي أفضل أعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. فبالك إنسان ماشي يكتسب المال، فلا يكون له أجر إلا بنية. طبعا النية تكون في عمل صحيح، معناها شغل حلال، صلاة صحيحة. إذا كان إنسان رأينا إذن في الأسبوع الفارط أنه أمور دنيوية المفيدة تعلمها في أجر، كاللغات و إلى الهندسة إلى غير ذلك، فذكرنا لا يجوز الاستهزاء بهذا. أعطينا أمثلة وكذا، إنسان يريد تعلم اللغات وكذا، هذا شيء مفيد. بينا الأولى أداء الواجبات، بعد هذا يتعلم الأشياء المفيدة، ولا يجوز قلنا يكون ما فيهش فائدة، تعلم اللغات أو الهندسة أو الطب أو إلى غير ذلك، هذا شيء مفيد ومن فروض الكفاية ذكرنا. إذن فإذا كان العبادات لا تكون فيها نية، لا تكون مأجورة إلا بنية، فما بالك العادات كالشغل وكغير ذلك في المال، هذا لا يكون عبادة إلا بنية صحيحة. معناها يقول أنا أمشي أكتسب المال الحلال لأكتفي أكفي نفسي من وأعف نفسي من الحرام وأنفق أو أنفق النفقة الواجبة ابتغاء الثواب من الله تعالى، هنا عنده أجر، هنا الأجر. هذا يبين أهمية النية في الإسلام، لكن النية والعمل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يعمل شيء حرام يقول لك النية، لا، الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني النية مهمة وحدها لا تكفي، لابد النية والعمل، النية والعمل يكونان موافقين للشرع. إذا هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، معنى الأعمال الصالحة الصحيحة تحتاج إلى نية لابتغاء الثواب من الله حتى تكون مقبولة عند الله، وإلا قد يخرج من العمل وعمل صحيح، صلاة صحيحة، زكاة، صيام صحيح بلا أجر، إذا من وجه التقرب إلى الله يسقط عنه الفرض ولكن ما عندوش أجر، لأنه لم ينوي التقرب إلى الله بذلك العمل. ولو صلى الخمس صلوات ولم ينوي التقرب إلى الله ما عندوش أجر، لكن سقط عنه الفرض، لا يؤاخذ بهذه الصلاة، لكن ليس فيها أجر لأنه لم ينوي لله تعالى. يعني النية هي عمل قلبي، فلهذا النبي أكد وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Donc on a vu dans le hadith que les actes nécessitent une intention, il faut aussi l'acte qui soit correct. Dans l'islam, il faut la bonne intention pour rechercher l'agrément de Dieu et faire un acte correct. Si quelqu'un fait les cinq prières, mais il ne met pas l'intention dans son cœur qu'il fait ça pour Dieu, et bien sa prière, elle est valable, mais il n'a pas de récompense. Elle sera valable, mais il n'a pas de récompense. Parce que pour avoir la récompense, il faut dire dans son cœur, je fais ça pour Dieu, par recherche de l'agrément de Dieu, etc., etc. Donc ce travail-là dans le cœur, il est important dans la religion, il est très important. Et même le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, ce qui signifie, certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est saint, tout le corps est saint. S'il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Donc l'islam, c'est le juste milieu. C'est pas, tu fais n'importe quoi, tu dis j'ai la bonne intention. Il faut l'acte correct et une bonne intention, les deux. Là, tu es dans le juste milieu. Donc si tu fais un acte qui n'est pas correct, bah, ça ne servira pas à la bonne intention. Et si tu fais un acte correct, mais tu ne fais pas ça pour Dieu, bah là, donc, il sera valable quand même, mais il n'y a pas de récompense. Il sera valable, mais il n'y a pas de récompense. Donc, comme on l'a dit, il se peut qu'il fait les cinq prières, il jeûne, mais il fait ça comme ça habituellement, mais il ne dit pas dans son cœur, je fais ça pour Dieu. Ben là, il n'y a pas de récompense. Si tel est le cas avec ses grands devoirs, la prière, la zakat, le jeûne ou la migration à l'époque du prophète, quand il a cité, alors que dire les autres choses qui sont de l'ordre du mondain? Par exemple, aller chercher de l'argent, acquérir de l'argent. Donc, encore à plus forte raison, ces actes-là ne rapportent pas de récompense tant que tu n'as pas fait ça pour Dieu. Parce que des gens, ils exagèrent. Je te dis, oui, le travail, c'est une adoration. Déjà, la prière, qui est un grand devoir, si tu l'as fait, mais sans bonne intention, tu n'as pas de récompense. Alors, les actes, comme le travailler ou s'occuper des enfants, etc., Si tu fais ça, et tu dis dans ton cœur, je fais ça pour Dieu, là, tu as des récompenses. Même dans l'islam, tu joues avec ton fils pour le rendre joyeux. Tu dis, si tu fais par habitude, il n'y a pas de récompense. Mais si tu dis, je fais ça pour Dieu, personne ne voit, c'est dans ton cœur. Et là, tu as une récompense. Tu ramènes des courses à la maison avec la bonne intention, tu as des récompenses. Si tu te fatigues tous les jours, mais tu fais ça machinalement, habituellement, il n'y a aucune récompense. Tu t'es fatigué, tu n'as aucune récompense. Alors si tu donnes la moitié d'une date avec la bonne intention, tu as des récompenses. Donc ça montre dans l'islam l'importance de la bonne intention, mais dans un contexte donc, conforme à la loi de Dieu, ça veut dire avec un acte qui est correct. Tu ne vas pas mettre la bonne intention alors que tu vends de l'alcool ou tu voles ou tu aides au péché. Donc bien sûr, pour un acte qui est correct. Si alors quelqu'un fait une prière qui n'est pas valable, même s'il fait la bonne intention, elle ne compte pas. Maintenant, s'il fait une prière correcte, elle va compter. Il n'a pas fait la bonne intention, ça va compter, mais sans récompense. C'est moins grave, mais ça compte, mais il n'y a pas de récompense. Alors la manière complète, c'est qu'il fait un acte correct et il dit « je fais ça pour Dieu ». Là, il fait la manière complète. Donc ça montre l'importance de la science, de la religion. Comment on connaît ça? C'est avec l'apprentissage. Si tu n'apprends pas, tu fais beaucoup, tu te fatigues beaucoup et tu n'as pas de récompense en réalité. Donc quand tu apprends, tu sais, tu dis, tu as la porte grande pour les hasanat. Le prophète, il a dit, l'insan yata'allam 'andu, yani bab wasi' 'ala al-a'mal as-salihah wa al-hasanat, ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala wa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an hatta wa in tilqa akhaka bi wajhin tariq. Wa law tatabassam fi wajhi akhika 'alik ajr. Bi niyya hasana. Laysa bil 'ada, idha bil 'ada ma 'alikash ajr. اللقمة تضعها في زوجتك الرسول قال عندك فيها أجر الرسول قال لهم الصحابة تعرفوا حديث في 40 نووية وفي بضع أحدكم صدقة حتى قال لهم يعني جامع زوجته بنية حسن عنده أجر يعني شوف يعني رحمة الله واسعة لكن قصد بنية حسنة وهذا تحتاج إلى عادة يتعود على الأخلاق الإسلامية والعادات هكذا بالعلم هذا وإلا سيفعل هكذا كثير ناس يضيف الناس وكذا ويسعى لخدمة الناس ما عنده حتى أجر لأنه يفعل هذا هكذا وأحيانا الشيطان يغلبه فيقع في الرياء وهنا تعدى المرحلة الأخرى اللي هي الكبائر احنا من زلنا ما تحكيناش على المرحلة الكبائر قلنا ما عندهش أجر وما عندهش إثم يفعل الصلاة ويعين الناس بغير نية قلناش وصل إلى الريال والريال وصل المرحلة اللي هي أفسد وهي الكبائر. Donc dans le hadith, le prophète il dit ne néglige dans le sens ne néglige rien combien même si tu rencontres ton frère avec un visage souriant. Donc même si tu souris pour ton frère avec la fisabilillah, t'as les hasanat. Donc la porte elle est grande ouverte, mais il faut connaître les règles. Alors, si tu te fatigues, tu aides les gens, et les gens, ils vont aider les gens, ils vont être serviables, etc. Et ils n'ont aucune récompense parce que, on parle des musulmans, bien sûr, ici, ils n'ont aucune récompense parce qu'ils font ça par habitude. Ils ne mettent pas pour Dieu. Ils ne font pas dans son cœur pour Dieu. Juste pour... Et il y en a, ils dépassent la limite qui est plus grave encore. Là, ils font ça pour que les gens font leur éloge. Yani, il fait les adorations, yani la prière, la zakat, pour que les gens ils cherchent leur éloge. Et là, il a l'insincérité, le grand péché de l'insincérité. Faire les actes d'adoration en recherchant l'éloge des gens, là, c'est un grand péché. Liyaf'al a'mal al-ibadat bi niyyat an yamdahahu an-nas, salat, as-siyam, az-zakat. Huna يعني عنده معصية كبيرة اللي سماها الرسول الشرك الأصغر اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر Donc le prophète, il l'a appelé shirk al-asghar, yani shirk mineur. Yani ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est un grand péché, chercher l'agrément des gens par la prière ou la zakat ou les sadaqa ou l'apprentissage ou de la religion ou récitation du Coran ou le jeûne. Il l'a appelé shirk al-asghar, c'est-à-dire c'est un grand péché mais ça n'annule pas l'islam. Yani laysa kufr, walakin معصية كبيرة هذا معناه الشرك الأصغر. إذن قلنا إذن أعمال رأينا كيفاش الدين وسط العمل لابد يكون صحيح مستوفى الشروط ولابد تنوي لله تعالى يعني هذا الطريق الذي تكلمنا فيه هذا هو الطريق توصل لدرجة العالية من دون هذا فما الناس يضيع وقته وحياته ولكن غافل عن نية مسرور بالناس تمدح فيه وكذا هذا يحتاج إلى تغلب النفس اتقوا الرياء قال الرسول قال كذا هذا النية الحسنة تحتاج إلى مذاكرة دائما حسب النفس دونك سا سي لا فوا كون سيتي سي لا كي تمن او دوغري باسكو دي جون ils suivent le nafs et il met pas la bonne intention, il est là, il est content, il fait l'éloge des gens, il fait pour les gens qui font son éloge, et voilà, et le shaitan dit, ah oui, toi tu fais beaucoup de bien, et puis voilà, il croit qu'il a atteint les hauts degrés, mais en réalité il a rien. Donc, il faut toujours se rappeler que la personne elle fait les actes de bien pour en recherche de l'agrément de Dieu. Et que les actes mondains et tout ça peuvent ramener des hasanats s'ils sont conformes à la loi de Dieu et que tu mets la bonne intention. Donc si quelqu'un il va, on a vu la semaine prochaine, étudier les sciences mondaines utiles. Hein, l'architecture, la médecine, les langues, par recherche de l'agrément de Dieu, parce que c'est des choses utiles aux musulmans, c'est il a des hasanets. Donc, toutes ces années où il passe à étudier, s'il met la bonne intention, il a des hasanets. Mais s'il ne met pas, il se fatigue, il n'a rien. Pareil, s'il va travailler le travail licite, travail halal, où ils ne font pas des choses interdites, il n'aide pas au péché. Et il met tous les jours, à chaque fois qu'il sort, il dit, moi je vais acquérir la subsistance licite, comme ça j'aide les musulmans, comme ça je dépense la charge obligatoire pour ma famille, j'aide ma famille, et tout ça c'est dans le cœur en fait, il n'a pas besoin de parler. Et là il a beaucoup de hasanet, par les pas qu'il fait en allant au travail, il a des hasanet parce que lui il a mis la bonne intention. Donc, vous voyez la bonne intention, comment elle est importante dans la religion, mais elle ne suffit pas elle seule bien sûr. Ça veut dire qu'il ne fait pas n'importe quoi, il dit j'ai toujours bonne intention. Non. Donc, vous voyez, c'est ça le juste milieu. C'est ça que ça veut dire le juste milieu. C'est la religion dans le juste milieu. L'islam, pour qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, qu'elle veille, فتستطيع أنت يعني تكسب الأجر كل يوم أغلب الناس تشتغل فعندما يخرج في بيته وهذا عادة النفس خاصة تعودها على الخير إذا تعودها على الخير تصير تحب الخير أليس الكبار الأولياء يعني يتلذذون بالصلاة كما الناس تتلذذ بأكل قطو وكذا وهم يتلذذون أكثر بالصلاة كيفاش وصل للمرحلة هاي يعني بمجاهدة النفس كما شفنا في الخطبة شفتوا قصة يعني من واحد من الصالحين كيف يقول جاهدت نفسي 20 سنة أو 40 نسيت حاصل لك 20 ولا أكثر وصار بعد يتلذذ بالصلاة لو مجاهدة نفس بعد ولي لذة عنده فلو يفعل النية الحسنة أمر مهم في الإسلام تقول أنا يعني ماشي ذاهب للشغل في قلبه، يعني لا يعلمه إلا الله، هذا مش شرط تتكلم، قل في قلبك أنا ماشي إن شاء الله أشتغل في لأعين المسلمين في سبيل الله، وأعين اللي هم تحت نفقتي في سبيل الله، هكذا يكسب أجر كبير، وحتى يسلم على أخيه، حتى يأخذ مثال يقضي من السوق، الناس تقضي كل أسبوع، سهل تقول أنا في قلبك ماشي نهز هذه القضية في سبيل الله للأهل، نعاونهم نفرحهم، ابنك الصغير تفرحه بنية حسنة عندك أجر. يعني أبواب الخير كثيرة لمن تعلم علم الدين، والذي لم يتعلم يضيع في وقته، وهذا ما كان. لهذا أكد النبي على علم الدين بهذه الأحكام ذكرناها سهلة، أليس هذا سهل؟ عمل يسير وعند الله كبير، عمل يسير هو سهل، عمل في القلب. Donc on a dit c'est des actes faciles en réalité. Et ça, c'est par la religion. Tu mets la bonne intention, tu, quand tu vas au travail, tu dis ça, je fais pour Dieu. À condition, bien sûr, que ce soit halal. On a vu, ça, on a vu dans plusieurs, plusieurs rappels qu'on a fait. On a parlé, aider au péché, c'est un péché. Et donc, c'est facile à trouver après. À analyser selon cette règle-là. Et donc, ici, il fait les courses, les gens ils font les courses régulièrement, il dit ça, je fais ça pour Dieu. C'est quelque chose de facile, c'est dans ton cœur, personne ne sait, il n'y a que Dieu qui sait. Et donc, il met la bonne intention, il dit ça, je fais pour Dieu, etc. Et la personne s'habitue en fait. C'est une habitude d'apprendre. Comme les savants qui. Ils ont contraint leur nafs yani, pendant des années. Après, ils prenaient plaisir à faire les adorations. Et donc, c'est l'ahkam al-muhamma li ra'aynaha yani. Daiman l'insan yarja ila ahkam al-sharia. Daiman, comme a dit Ta'ala, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Wa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله ورسوله. دائما إنسان يرجع للأحكام ولا يحكم بالهوى النفس. هذا الدين وسط، معناه تحكم بالشريعة، حكم بالشريعة الإسلامية وليس بالهوى والعادة. كثير ناس يضلون هكذا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كثير كثير كثير هكذا، قل كان رأي كذا، أنا نظن كذا، لا يرجع دليله كذا من القرآن ومن الحديث كذا، لأنه عودوهم هكذا، تعلموا عادات يعني متاع فساق متاع كفار، أنه يحكموا بالهوى وبالمظهر وبالعادة وليس بالدليل الشرعي. لابد دائما أن نرجع للقرآن والحديث حتى نحكم بالأحكام sharia. Donc toujours il faut revenir aux règles de la religion pour juger les gens. Beaucoup de gens ils se perdent, ils se mènent à leur perte parce qu'ils ont appris une mauvaise habitude, c'est de juger selon l'habitude, selon ses passions, selon l'apparence. Yani, ils voient quelqu'un, il a l'apparence d'un cheikh, ils suivent avec les mains. معروف كذا يتبعونهم من غير دليل. وقد النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس يعني يأتي زمن أن الناس يتخذون رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. إذن نذكر بعض كذلك يعني فوائد في العقيدة. إذن لأنه كثير يعني الناس تهبط تمشي للبلاد كما قلنا، وللأسف تسمع أشياء. والأمر المعروف والنهي المنكر فرض في الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فرض هذا في الإسلام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. للأسف نحن نمشي وأنتم تمشيوا، تسمع ناس في المغرب العربي وغيرها جالس في قهوة هيك، تسمع ناس يعني يغضب فيسب الدين كذا. هذا كل عام للأسف نمشي ونسمع مثل هذا، ديما تمشي وتسمع اثنين ثلاثة شي يسبوا الدين وكذا. فالدين تم أحكام، ماذا تفعل؟ تأمره إذا كان يتقبل، فرض عليك تنصحه بماذا؟ أن يتشهد، ما تقولوش برا استغفر. لا ينفع الاستغفار في الكفر، كفر بالإجماع، هنا بيناها بالأدلة الواضحة وضوح الشمس أنه عليه أن يتشهد بسبب الدين. تأمره تنصحه تقول له تشهد. لا يجوز تقول له نمشي نصليه. بعض الناس يسبوا الدين ويمشيوا للمسجد لا تصح صلاته. ولا يجوز لك أن توهمه أنه مسلم، لأنه كده هو سب الدين تقول له نمشي نصلي وكأنك تقول له معليش يقبل منك عبادتك، والعبادة لا تقبل من الكافر وإن كان اسمه محمد وعلي وصالح. خاصه يتشهد، وهذا يحصل. تنزل العطلة والناس تنزل البلاد يعني تمشي البلاد تسمع، فإذا تنصح هذا يحصل فيه خير كبير، في الناس يتراجعوا يتقبلون بالحكمة، تقول له هذا خروج من الإسلام، أنت سبيت الخالق. فهنا ينافي الإيمان، لأنه المسبة ضد التعظيم، وواجب تعظيم الإيمان وتعظيم الإسلام وتعظيم الله والأنبياء والملائكة والرسل. فإذا سبيت الدين فهذا تكذيب، خروج من الإسلام. إذا العلماء بيّنوا، قالوا تفصيل يعني العلماء يدقوا، إذا قال يلعن دينك بيّنوا فيها العلماء، قالوا إذا كان يفهم اللغة العربية يقصد بها أخلاقك، لأن الدين تأتي بمعنى الأخلاق في لغة العرب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا ممكن الناس يتفهم العربية وقال دينك معنى أخلاقك ويقصد أخلاقك لأنها معنى صحيح في اللغة، لا يكفر هنا. أما إذا لم يقصد شيئا قال العلماء يكفر، لأنه الدين تأتي بالمعنى المتبادر هو دين الإسلام. يعني في إذا يقول يلعن دينك لمسلم طبعا، إذا قال لي كافر يلعن دينك لا ليس كفرا، سب دين الكفر ما هو في كفر، سب دين الإسلام هي كفر. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الصحيح معناه، الأخرى أديان باطلة. فإن سب دين الكفار لا عليه ليس كفرا بالطبع، بل يقول عليه يقول هذا كفر هو يكفر بالطبع، لأن الدين الكفار يعني شرك وظلم كما الله سماه إلى غير ذلك. هنا نتكلم عن اللي يلعن دين مسلم. إذن قلنا إذا كان يفهم منها الأخلاق لا يكفر، أما إذا لم عمم ولم يقصد شيئا يكفر. هذه أشياء مهم يعرفها الإنسان، الدين عنده أحكام وقواعد لابد تعرفها. إذن donc on a donné quelques exemples parce que on a dit comme c'est toujours les vacances, les gens vont au bled, et puis quand on va au bled, il y a des mauvaises choses aussi que on entend les gens à chaque fois. On voit des gens, deux ou trois personnes tu rencontres qui insultent Dieu. Tu vas au café ou des choses comme ça. Donc, et puis tu entends des gens qui insultent Dieu. Dans l'islam, c'est un devoir de corriger. Je dis, c'est un devoir dans l'islam. On a vu les ayats, les hadiths, c'est un devoir. Si tu espères qu'il accepte, il va t'adonner. أنه يتقبل. بتعرف هذا شيء مسكر معروف. أنت تكره بقلبك. Si tu sais que lui, c'est un borné fermé, connu, là, tu détestes avec ton cœur. On parle, si tu espères qu'il accepte, là, c'est un devoir. Tu le conseilles. Bien sûr, tu dis pas, viens, on fait la prière et je vais te parler. Non, parce qu'il est déjà, là, il est plus musulman, sa prière n'est pas valable. Si tu lui dis, viens faire la prière, c'est comme si tu lui dis, c'est pas grave. C'est comme si tu lui disais, c'est accepté de toi, la prière, alors qu'il est sur la mécréance. Et là, c'est une mécréance de lui dire, viens faire la prière, alors qu'il a insulté Dieu ou la religion de l'islam. Mais tu prends le temps, avec sagesse, tu prends le moment qu'il est calme et tu lui parles, tu dis ça fait sortir de l'islam, il faut prononcer les deux témoignages pour revenir à l'islam. C'est pas dire astaghfirullah, bien sûr. Les gens ignorants, ils savent même pas comment quelqu'un revient à l'islam. Je lui dis les deux témoignages, il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, pour revenir à l'islam, en délaissant la mécréance. Donc il y a des expressions qui arrivent souvent, qu'on a citées en arabe en fait. Comme on dit. Vous avez peut-être même des gens francophones disent, ah, j'ai entendu un tel, mon voisin, ça maghrébin, toujours le mot din quand il est énervé. Comprennent pas, mais ils entendent le mot din. Ils s'énervent. Arrêtez, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont pris. Bien sûr, ce n'est pas une excuse. Avec l'éloignement de la religion, ils insultent la religion facilement. Donc, insulter din en arabe, ils ont dit les savants, si. Il vise le comportement, parce que le mot din, il a le sens de comportement aussi. S'il comprend la langue, il a un certain niveau, il comprend, et il vise par cela ton comportement, c'est pas de la mécréance. Mais s'il ne vise rien, c'est une mécréance. Parce que c'est quand il insulte la religion de l'islam ici, bien sûr. Il insulte la religion d'un musulman. Là, il sort de l'islam. Parce que, donc, c'est un rabaissement et la foi. N'est pas compatible avec le fait de rabaisser la loi de Dieu, les prophètes, Dieu. Donc c'est contraire à la foi, tout ça. Donc on est dit de dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. La ilaha illallah, Muhammadun, Rasulullah. Donc c'est comme ça que la personne se corrige. Il y a des règles, c'est pas comme ça. Il y a des gens, ah, astaghfir. Non, il faut qu'il revienne à l'islam là. Il est sorti de l'islam. Les preuves sur ça, on a fait plusieurs séances là-dessus, donc c'est vraiment clair, normalement. Comme ça que la personne donc se corrige. Et puis, tu as des grandes hasanates, bien sûr, quand tu fais ça. Beaucoup de hasanates à corriger, et c'est ce qu'ils faisaient les prophètes, corriger les gens. Donc, beaucoup de hasanat à faire sur la fille. Ajr kabir, yani l'insan, yani ya'mun ma'ruf, yanha al munkar, kama dalla alayka le Coran ou le Hadith. Ou de l'insan, la yataqabbal, anta takrahu bi qalbika. Takrah bi qalbika. Donc, si la personne n'accepte pas, toi, tu détestes avec ton cœur. طبعا كذلك كما بينا عدة مرات اللي استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام استهزأ بالنبي أو بحال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كما بين علماء الإسلام مثال نعطي أمثلة يعرف أن النبي يفعل هذا ويستهزأ به هنا يكفر مثال يعرف أن الرسول كان يلبس العمامة والقميص يعني الجلابية أو ويستهزأ بذلك هنا يخرج من دين الإسلام قدموا بين قوسين بارك الله فيكم لو تقدموا si vous pouvez avancer بارك الله فيكم entre parenthèses si vous pouvez avancer بارك الله فيكم Doucement, doucement. Donc voilà, si, voilà au maximum, si vous pouvez avancer au maximum, vers le fil. Alors, il y a les 16 des. دي حالة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا إنسان لا يلبس لا قميص ولا عبامة هذا لا حرج عليه، أما نتكلم عن الذي يستهزئ هذا هو يستهزئ بعمل السواك. بعض الناس يعني ثم حكمة في الدين، هناك حكمة مهمة بينها لكم، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم يعني يحب الدين وكذا، فللحكمة بعض الأشياء لا يفعلها حتى الناس ما تستهزئش بالدين. مثال، المسلم يحب ويعظم العمامة ولبس النبي وكذا، ولكن لا يفعل حتى الناس لا تستهزئ. بعض الناس ما عندهمش حكمة وعندهم تعصب واتباع الرأي، فتلقاه يفعل أشياء. مثال في هذه البلاد في بعض النواحي، لو تلبس عمامة وكذا وقميص تخرج قد الناس يستهزئون. المسلم ذكي لا يريد الناس تستهزئ، بما أنه هذا ليس فرض. هذا يعني ملاحظة مهمة مفيدة جدا عند بعض النساء، كذلك عندهم تشدد، يعني الشيطان يلعب بهؤلاء الناس. Ils ont avancé, on leur a dit d'avancer. Donc, on fait un signe là. قلتهم قدموا قدموا. خاصني نطلع لفوق باش نشوف. تحب تتكلم؟ تكلم خويا. تسمع في؟ ما عرفتش كان تسمع هوني. صادق تسمع هو في ولا؟ هكا هو انا قلتهم قدموا ولا؟ هكا هو. خاصني نتلهى بفكر. دونك قلنا شنو قلنا؟ قلنا ملاحظة مهمة، بعض النساء عندها تشدد وكذا. مثال في بلاد أوروبا وكذا، تخرج لابسة أكحل مغطية وجهها، ونحن لا نستهزئ كما قلنا بسنة النبي أو ما فعله أزواج النبي، لكن ثم حكمة. تخرج لهنا في بلاد كذا، فقد الناس يستهزئوا يتكلموا في الدين. مسلم ذكي يعني، إذا هو ما يحبش الناس تتكلم على بنته فما بالك الدين. أما في بلاد عربية، مثال مشيت لمكة، كنا في مكة العمامة كل يوم كذا، يعني ما عندك حد بيسب الدين يعني. أما تجي لهنا حكمة، فهم كيف؟ فالحاصل نحن موضوعنا بكام أنه اللي يستهزئ بشيء فعله النبي يكفر، ما عندوش عذر الإنسان. مثال، يعرف النبي كان يستاك، يقول شنو هذا قرف، هذا خرافة ولا كذا، هذا رجعية، يقول هذا كفر. أو يعرف النبي كان يأكل على الأرض بثلاثة أصابع، أنت يعني ليس فرضا عليك تأكل بثلاثة أصابع. أما إذا تعرف النبي كان يفعل لا يجوز تستهزئ بهذا، وإلا يكون خروج من الإسلام. شفتوا كيف؟ أو رواتب الصلوات، أو قيام الليل، أو صيام النفل، إعفاء اللحية، إعفاء اللحية مثال، لا يجوز تستهزئ. إنه هذا النبي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان ما عملش لحية ما هوش كفر، لكن لا يجوز يقول هذا قبيح، هنا خروج من الإسلام، استهزاء بشيء فعله النبي. وقد يحصل من بعض الناس في بلاد عربية تجدهم يستهزئون بشيء الكفر إذا يعلم أن النبي فعله ويستهزئ به يكفر. ولكن كما قلنا، المسلم قد يجتنب بعض السنن حتى الناس لا يستهزئون بالدين. أحيانا تبدأ عندك ناس وكذا، لو تصلي عدة صلوات نافلة قد يستهزئون، يقول لك هذا مجنون وكذا، هذا الناس ضعاف. هم ما عندهمش عذر، بين قوسين هم لا عذر لهم، لكن أنت لا تفعل ما يؤدي بهذا الجهال أن يتكلم في الدين. هذه النصيحة يعني. Donc on a dit, remarque aussi, par exemple, se moquer de ce que le prophète il faisait. C'est quelqu'un, il sait que le prophète, par exemple, il mettait l'armama, le turban, il mettait le qamis. Il se moque de cela, il sort de l'islam. Mais si, il ne met pas. Ce n'est pas obligatoire. Il n'a pas, il a rien. Mais on parle de celui qui se moque. Ou le siwak. Des gens disent, c'est quoi ce bâton-là? S'il sait que le prophète faisait, là, c'est la mécréance. En fait, il a insisté beaucoup, beaucoup sur le siwak. Donc celui qui se moque, il n'est pas musulman. Ou la barbe. C'est quelque chose que le prophète, il avait. Donc, il a fait l'éloge de cela. Ou les jeûner, ou faire des prières en plus, ou faire des jeûnes en plus. Ça, c'est des choses de bien. Si quelqu'un ne les fait pas, il a rien. Mais s'il se moque, il sort de l'islam. Maintenant, entre deux parenthèses, on a dit, musulman, bien sûr, avec sagesse, il va éviter certaines choses pour que les gens ne se moquent pas de la religion. Par exemple, ici, en Europe, si tu sors toujours avec la même, le turban, une grande barbe, il se peut que les gens ils se moquent. Il y a des gens, ils ne prennent pas ça en compte. Il y a des gens, ils sont bornés, ils ne prennent pas ça en compte. Ils vont sortir d'une manière qui pousse les gens, en sachant que les gens qui se moquent de la religion, ils n'ont pas d'excuses, mais le musulman, il ne va pas les inciter. Il faut faire la manière que, si tu es dans un pays arabe et les gens ne se moquent pas, tu fais facilement les choses. Donc, il faut éviter de provoquer les gens qui se moquent, comme certains, ils exagèrent, ils sortent tout en noir, couvert le visage, etc. Alors que ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas se moquer non, donc dans l'islam, mais il ne faut pas faire les choses qui poussent les gens à se moquer de la religion, sachant que ceux qui se moquent, ils n'ont pas d'excuses non plus. Donc, vous voyez donc, la sagesse dans la religion de faire selon la situation, bien sûr, sans faire ce que Dieu interdit. Ce n'est pas, tu dis, non, je ne fais pas ma prière parce que les gens me regardent. Non, ce n'est pas ça. On parle des sunnes. Les nafilas qui ne sont pas obligatoires, tu peux des fois éviter dans certaines situations pour que les gens ne se moquent pas de la religion parce que tu vas les pousser ou les inciter. Donc, enfin, ça va être une cause, en tout cas, pour qu'ils se moquent. Donc, il faut agir avec sagesse, c'est important. Bil hikmati wal mou'izati al hasana, comme j'ai dit. La sagesse, c'est faire ce qui est le plus approprié à la situation. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الظاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين avancé donc on l'a dit on le redit ils ont avancé hein donc s'il y a encore de la place si c'est possible avancé il va faire imkan tqaddmuna qulna lahum nahna Donc on l'a dit, celui qui est après, celui qui est derrière, moi j'ai dit devant. Barakallahu fikoum.